Bienvenue à Méloman, une émission pour les fous de la musique. Vous êtes à l'antenne de CFNJ 99.1. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir. Méloman, édition du 16 septembre 2015. Tel que promis pour cette dernière émission de l'été, le premier spécial de la saison sur la Jamaïque. Pour une partie de l'émission, on va voyager un peu avec la musique nous provenant de cette île très influente des Caraïbes. Il va y avoir du reggae, c'est certain, mais la Jamaïque des années 50 à 70, c'est aussi d'autres styles comme le mento, le calypso, le ska ou le rocksteady, par exemple. Et le reggae lui-même se décline en plusieurs sous-classes. Mais on va pas y aller académique comme ça du tout. On va plutôt se laisser bercer par tout ce que cette musique nous évoque naturellement d'estival et de paisible. Et on va apprendre dans la joie et l'allégresse. On va y aller chronologique un peu pour commencer. 1956, un des premiers à faire connaître au reste du monde la musique des Caraïbes. Celui qu'on va surnommer le roi du calypso, c'est un Américain, mais son plus gros succès va être une chanson de mento traditionnel jamaïcain. C'est un chant de travail que les débardeurs chantaient dans les ports en chargeant les bateaux de bananes. Donc, pour toutes ces raisons, on va amorcer et clôturer notre spécial Jamaïque avec Harry Belafonte sur les ondes de CFNJ 99.1. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Lift 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. Day, is a day. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Day-o, day-o. Daylight come and me want go home. Day, Bizette, Bizette. Daylight come and me. Daylight come and me. montre-moi le nouveau pas. Y'a personne qui bouge comme toi. Dis Manon, viens danser le ska. Manon, viens danser le ska. Montre-moi le nouveau pas. Y'a personne qui bouge comme toi. Dis Manon, viens danser le ska. Je connais une fille que j'aime bien. Elle est l'envie de tous les copains. Quand je la vois, j'ai le cœur qui bat. Oh, dis Manon, viens danser le ska. Manon, viens danser le ska. Montre-moi le nouveau pas. Y'a personne qui bouge comme toi. Dis Manon, viens danser le ska. Manon, viens danser le ska. Montre-moi le nouveau pas. Y'a personne qui bouge comme toi. Dis Manon, viens danser le ska. J'ai invité Pauline pour un cha-cha, la belle Janine pour une samba. Et maintenant pour le nouveau pas, c'est toi Manon, la reine du ska. Manon, viens danser le ska. Montre-moi le nouveau pas. Y'a personne qui bouge comme toi. Dis Manon, viens danser le ska. Manon, viens danser le ska. Montre-moi le nouveau pas. Y'a personne qui bouge comme toi. Dis Manon, viens danser le ska. De retour à Mélomanes, à l'antenne de CFNJ 99.1 et 88.9. Vous l'avez deviné, on parle de ska, un des premiers styles de musique jamaïcaine à sortir de l'île. D'ailleurs, comme on vient de l'entendre, le mot ska fait même son entrée au Québec en 1965 avec Donald Lautrec et Manon vient danser le ska, bien sûr. Bon, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde à ce moment-là que ça vient de la Jamaïque, et Manon n'a pas un rythme de ska aussi marqué que ce qu'on a entendu juste avant, Byron Lee and the Dragonaires avec Frankenstein Ska un an auparavant, un des premiers orchestres jamaïcains à faire connaître le calypso, la soca, un style venant des deux îles de Trinité et Tobago, et bien sûr le ska. D'ailleurs, ça n'a souvent pas été très clair pour bien des gens que le ska vient de la Jamaïque, parce qu'il y a toute une autre génération qui pense souvent que le ska vient du punk, et ça se comprend puisque le punk va être très lié au ska et au reggae depuis le début de son existence, comme on va le voir aussi plus loin dans l'émission. Pour l'instant, on va explorer un autre sous-genre, le rocksteady. Par une journée particulièrement chaude, on imagine les groupes de ska qui se sont mis à jouer deux fois moins vite, et le rocksteady était né. On va entendre la star du ska et du rocksteady, Desmond Dekker, et par la suite un groupe qui s'est inspiré de son nom et de sa musique un an plus tard. Mais tout d'abord, 007 Shantytown en 1967 au 99.1 CFNJ. Oh, Sean. my shoe, tie my wheel, Shalom Tikkun. Goodbye, the papa, be a Shalom Tikkun. Goodbye, a bum of the town, Shalom Tikkun. But he's the town, Shalom Tikkun. So I get longer, Shalom Tikkun. Goodbye, a weep and a wheel. Et 88.9 CFNJ. Yeah. vient d'entendre The Slickers avec Johnny Too Bad au 99.1 CFNJ. Vous êtes à Mélomane en plein spécial Jamaïque. Bienvenue à ceux qui viennent de joindre à nous. Johnny Too Bad, seul succès du groupe jamaïcain The Slickers, une chanson qu'on va retrouver sur une trame sonore de film The Harder They Come en 1972. Et c'est cette trame sonore qui va être un des premiers documents à faire connaître la musique de la Jamaïque à grande échelle en dehors de l'île. On y retrouve aussi Desmond Dekker qui va inspirer Paul McCartney à écrire une chanson à saveur ska sur l'album blanc des Beatles en 1968, Obladi Oblada qu'on a entendu juste avant. D'ailleurs, les paroles font allusion à un certain Desmond tout au long de la chanson, si vous portez attention. Donc, voyez-vous, la musique jamaïcaine commence à avoir son impact jusque chez les Beatles. Il faut comprendre aussi que les communautés jamaïcaines sont assez importantes en Grande-Bretagne et ça a certainement son rôle à jouer, mais ça, on va y revenir plus tard dans l'émission. Donc, à venir dans le prochain bloc, on commence à entendre quelque chose qui sonne comme du reggae et on découvre la première chanson reggae popularisée par un blanc. Mais pour l'instant, on reste en 1972 avec le premier Afro-Américain non jamaïcain à enregistrer en Jamaïque, Johnny Nash, sur les ondes de CFNJ 99.1. Gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright sunshiny day. Look all around, there's nothing but blue sky. Look straight ahead, nothing but blue sky. Osaka. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Out that way, and the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope now on this strange and mournful day, but the mother and child reunion is only a motion away. Just can't believe it so, though it seems strange to say, I've never been late so low, in such a mysterious way, in the course of lifetime runs, over and over again. Entendre Paul Simon sur les ondes de CFNJ 99.1 et 88.9. Vous écoutez le spécial Jamaïque à Mélomanes. Et oui, Paul Simon, officiellement le premier blanc à enregistrer du reggae avec la chanson Mother and Child Reunion. Rien de bien surprenant quand on y pense. Paul Simon qui va s'intéresser aux musiques de différents pays tout au long de sa carrière. On a juste à penser à des albums comme Graceland ou Rhythm of the Saints, où il explore l'Afrique et l'Amérique latine. Et dès son premier album solo homonyme en 1972, il explore la Jamaïque, et c'est ce qu'on a entendu. D'ailleurs, tout le bloc qui était le 1972 avec Scotty et Dry Your Breaks et I Can See Clearly Now de Johnny Nash juste avant. Donc on vient d'entendre le premier blanc à avoir enregistré du reggae, pourquoi pas maintenant le premier francophone, tiré d'un album québécois de 1977 qui s'appelle Mellow Reggae, un album qui est vraiment bon, complet, soit dit en passant, mais très dur à trouver. On peut y retrouver un jeune George Thurston, alias Boule Noire, aux percussions, qui est le premier Québécois enregistré en Jamaïque quelques années plus tard, d'ailleurs. Ensuite, il y aura une excellente reprise jamaïcaine du groupe du succès These Eyes, du groupe canadien de Guess Who. Mais tout d'abord, le premier francophone à enregistrer un album complet de reggae, Claude Dubois au 99.1 CFNJ. Je vois tous des artistes quand on est hop, quand on deux, trois écrivains dans un coin, un comédien. On ne voit plus très bien les étoiles du vaisseau au-dessus du vent. On n'imagine plus la terre que comme un petit grain de sable dans l'univers. Je nous vois tous des artistes quand on est up, quand on se fait de la musique et que ça fait pop. Peux-tu tenir le rythme, tiens les bien, en frappant dans tes mains, pour sur le voisin, tiens ça. Elle dessine sur ses yeux un rêve. C'est déjà une femme troublante quand elle danse. Toute la musique s'éveille. Dans la nuit sculptée d'anges, le verbe n'est plus qu'un geste. Et de plus en plus terre à terre, car je m'enterre tranquillement, ne croyant plus aux anges, voyant la beauté dans les angles des créatures qui me ressemblent. Crying every night for you. No, you know. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 that's me, am I happy? Well, as a matter of fact, I can say that I'm ecstatic, 'cause we all just made a pact. We've agreed to get together, join as children in Jah. When you're moving in the positive, your destination is the brightest. Et 88.9 CFNJ. Vous êtes à l'antenne de CFNJ 99.1 et 88.9 à Méloman. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. On vient d'entendre Master Blaster Jammin' entre parenthèses de Stevie Wonder 1980, tiré de son album Hotter Than July de la même année. Une excellente chanson qui se veut un hommage au roi incontesté du reggae. J'ai nommé Bob Marley, évidemment. Bob Marley qui a renversé toute la communauté du rock à son arrivée avec la puissance de ses chansons, pourtant d'une simplicité déconcertante. Bob Marley and the Wailers, ça reste l'équivalent des Beatles jamaïcains, qu'on le veuille ou non. Sinon, on a entendu juste avant Stevie Wonder, le premier français à se payer un album complet de reggae enregistré en Jamaïque et joué par le meilleur des musiciens jamaïcains du temps, dont l'épouse de Bob Marley lui-même, Rita Marley dans les chœurs. On parle de Serge Gainsbourg en 1979 avec Aux armes, etc. Une chanson et un album du même nom qui va faire scandale en France parce qu'elle reprend les paroles de l'hymne national des Français, la Marseillaise. Gainsbourg n'en est pas à un scandale près si vous connaissez un peu le personnage. Et juste avant, Strange Cole avec l'excellente reprise des Guess Who, These Eyes, Crying Every Night. Nous sommes en 1971. Et maintenant, on parle de Bob Marley. On n'en a pas entendu du Bob Marley. Écoutez, je voulais pas vous mettre une chanson qu'on a entendue mille fois, donc j'y étais avec un enregistrement plus représentatif de ses débuts en Jamaïque. En fait, ses débuts remontent à avant ça dans le ska et le rocksteady, mais ses premiers enregistrements reggae jamaïcains sont beaucoup plus prisés par les collectionneurs que les versions qu'on entend habituellement, beaucoup plus minimalistes, beaucoup plus brutes et produites par la légende du reggae Lee Scratch Perry. En plus, vous allez voir, il a l'air de faire vraiment chaud. Toujours en 71, Sun is Shining au 99.1 CFNJ. Sun is shining, the weather is sweet, yeah. Make you wanna move your dancing feet now. Gather the rainbow, yeah, yeah. Want you to know I'm a rainbow too. Thank you. shining, the weather is sweet now. Make you wanna move your dancing feet, yeah. But to the rescue, here I am. Want you to know just if you can. Here I stand. No, no, no, no, no, no, no, no. Can you understand me now, baby? Do you believe me? au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. The return of the bullet. C'est un ciel dégagé avec un minimum de 16. Jeudi, du soleil maximum de 29 et ensoleillé aussi pour vendredi maximum 28. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, dégagés cette nuit avec un minimum de 14. Jeudi, ensoleillé maximum de 27. Et même scénario vendredi, ensoleillé maximum de 27. Entendre juste avant la météo la pièce instrumentale de 1968, Return of the Bullet, à CFNJ 99.1 et 88.9 dans tout la Naudière. Vous êtes toujours en compagnie de Mathieu Lajoie, mélomane, en plein cœur de notre spécial Jamaïque. Alors j'espère que vous appréciez jusqu'à maintenant, parce que le mandat de Mélomane, c'est pas d'être seulement une émission rétro, mais bien de faire découvrir un peu tout ce qui s'est fait dans les années 50 à 70. Alors, Return of the Bullet de Rico and the Rhythm Aces. Rico, un tromboniste jamaïcain qui a fait quelques très bons 45 tours fin 60, début 70. Et juste avant, notre première femme de la soirée, Dawn Penn, en 1967 avec You Don't Love Me, No, No, No. Une chanson qui va redevenir un plus gros succès encore quand elle va la reprendre elle-même en 1994. En passant, le problème avec les vieux hits jamaïcains, c'est que le son est pas toujours très bon et je m'en excuse, mais il y a certaines chansons qui se font pas avec un meilleur son que ça malheureusement. c'est pas faute d'avoir des enregistrements de la meilleure provenance possible. Disons que les budgets dont disposaient les maisons de disques jamaïcaines ne devaient pas ressembler à ceux que les Américains avaient au même moment. On se transporte maintenant près de 10 ans plus tard, en 1976, avec les Heptones, qui sont de véritables stars en Jamaïque, les rois du rocksteady, un peu un équivalent des Temptations jamaïcains, si on veut, avec leurs harmonies vocales très présentes. Ensuite, on va mettre du punk pour la première fois, Mélomane, et faire la connexion avec le reggae, avec les Clash et la reprise du Jamaïcain Junior Mervyn et son succès Police and Thieves. Alors, il faisait chaud tantôt, mais il fait encore plus chaud avec Cool Rasta, un reggae très roots des Heptones au 99.1 CFNG. The next generation. by day, and no one stops it in any way. All a peacemaker, turn war officer. Street. Oh yeah, scaring the nation with their guns and ammunition. Police at the ease in the street. Oh yeah, fighting the nation with their guns and ammunition. Genesis to Revelation. 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. toujours au spécial Jamaïque de Mélomane sur les ondes de CFNJ 99.1. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. On vient d'entendre une autre formation qui s'est faite ambassadrice de la Jamaïque en Angleterre, tout comme The Clash un peu avant eux, The Police avec Can't Stand Losing You en 1978. The Clash et The Police, deux groupes anglais qui vont incorporer beaucoup de reggae à leur composition. Et comme on disait en début d'émission, les importantes communautés jamaïcaines qui habitent l'Angleterre sont loin d'être étrangères à tout ça. En fait, c'est en grosse partie grâce à un DJ d'origine jamaïcaine, Don Letts, qui mixait dans deux clubs de Londres, l'Acme et le légendaire Roxy. C'est là que toute la première scène punk londonienne s'est originalement formée. Et au début, il n'y avait pas beaucoup de disques de punk encore. Alors c'est pour ça que Don Letts s'est mis à faire jouer sa musique préférée, le reggae. C'est un des événements qui explique la connexion très forte qu'il y a toujours eu entre le punk et les musiques jamaïcaines. Et juste avant The Police, en parlant de DJ justement, eh bien on a entendu un bel exemple de dub, un sous-genre instrumental du reggae. Il s'agissait souvent de face B de 45 tours remixés au début, mais c'est devenu un genre propre au cours des années 70, un genre qui a grandement contribué à l'essor du hip-hop et de toutes les musiques électroniques qui allaient suivre. Un style très ambiant qui jouait dehors en tout temps depuis les haut-parleurs de ce qu'on appelait les sound systems. On a entendu deux légendes du genre, soit King Tubby et Augustus Pablo avec King Tubby meets Rockers Uptown en 1976. On y va avec notre dernier bloc pour ce spécial Jamaïque avec un bel exemple de roots reggae, le style très organique que Bob Marley a popularisé, l'excellent groupe Culture en 1978 avec Iron Sharpening Iron à CFNJ 99.1. When you're gonna dig up, pit, I tell my brother, hey, don't dig what always dig to. Be careful of the things you do, the everyday words you speak. You walk on the streets, you run up your mouth. You want to see your brother be a prisoner always, never mind the countenance of one man brighten at another. I am sharpened, I am. The countenance of one man brighten at another, eh? I am sharpened, I am. See? La la la la la la la la la la la la. Do ba ba do ba ba dee. The everyday words you speak. You walk on the streets, you run up your mouth. You want to see your brother be a prisoner always, never mind the countenance of one man brighten at another. I am sharpened, I am. The countenance of one man brighten at another, eh? I am sharpened, I am. So, when you're gonna dig up it, I tell my brother, don't dig what always dig to. So when you're gonna dig up it, I tell my brother, hey, don't dig what always dig to. Chant, la la la la la la la la la la la la. Do ba ba do ba ba dee. You're gonna dig it. I'll be to tell my brother, don't dig what always dig to. When you're gonna dig up, be to tell my brother, hey, don't dig what always dig to. Trial road, tribulation road, belong to I. Chala, chala, chala. what they say. Shalom, my brother, shalom. All we got to do is trot straight to Zion Road. Shalom, my brother, shalom. So, when you're gonna dig, now Peter tell him, my brother, don't dig what always dig to. Rejoice, when you're gonna dig a pit, please be careful. Don't dig what always dig to. Avec vous, partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFMJ. Down and there.

La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté enchanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent en chantant. Quand j'irai revoir mon père qui m'attend les bras ouverts en chantant. J'aimerais que sur la terre tous mes bons copains m'enterrent en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Elle aime, elle adore,

se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Et 88.9 CFNJ. Sur les ondes de CFNJ 99.1 dans tout Lanaudière. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. On vient d'entendre de la musique nous provenant du Brésil, de la bossa nova de Sergio Mendes avec Brasil 66, la reprise de Mash Quenada de 1966. C'était précédé d'une autre pièce à saveur très bossa, l'acteur Alain Delon et la chanteuse égyptienne Dalida avec bien sûr Parole et Parole en 1973. Et sinon, compositeur des opéras rock Starmania et la légende de Jimmy et Marie de France Gall, feu Michel Berger avec la groupie du pianiste de 1980. On enchaîne avec un gars qui vient de la République des deux îles de Trinité et Tobago, dont on a parlé plus tôt, Ralph MacDonald, qui va incorporer les rythmes de Calypso de son île natale au disco de Saturday Night Fever en 77. Ensuite, on reste dans les rythmes exotiques, mais à travers le rock. Calypso Breakdown au CFNJ 99.1. We'll be right back. I can depend on. Ain't got nobody that I can depend on.

De retour à Méloman, CFNJ 99.1 et 88.9. On vient d'entendre Vladimir Cosma, compositeur né en Roumanie avec le thème des aventures de Rabbi Jacob, film classique avec Louis de Funès en 1973. Juste avant, une belle chanson basée, elle aussi, sur un thème de film, en fait celui d'Ennio Morricone, For a Few Dollars More, ou Pour quelques dollars de plus, un film de Sergio Leone de 1965. Mais nous, on a entendu Babe Ruth en 1972 avec The Mexican, seul gros succès pour le groupe. Et c'était précédé du groupe qui a amené la musique afro-cubaine dans le rock, Santana, un an plus tôt, en 71, avec No One to Depend On, tiré de l'excellent album Santana 3. Écoutez, comme toujours, trop de bonne musique, je veux avoir le temps de tout vous faire jouer. Quelque chose de plus funky qui s'en vient et après, écoutez, le temps va s'arrêter. Soyez patient, elle est un peu longue à partir, mais ô combien grande est la récompense. Roy Buchanan avec The Messiah Will Come Again de 1972. Ô qu'on n'entend pas ça souvent à la radio, mais on va se reprendre ici à Méloman. Mais tout d'abord, tu veux que je joue ta musique Funky White Boy? Eh bien, je la joue à l'instant. 1976, Wild Cherry au 99.1 CFNJ. Sex a thing, you. I believe in miracles. Cause you came along, you saxophone. Places I never should have been, but I know that the Messiah, he will come again. can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your play and get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks. He's coming along. Coming along. CFNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. Toujours à Méloman, au 99.1 et 88.9 CFNJ. 1974, School, tiré de l'album Crime of the Century du groupe Supertramp, un grand classique au Québec. Je dis au Québec parce qu'ici, quand on dresse une liste des groupes importants des années 70, c'est pas rare que Supertramp y figure, alors que c'est plus ou moins le cas aux États-Unis, par exemple, ou même en Grande-Bretagne, leur terre d'origine. Comme qui dirait, nul n'est prophète en son pays, parce que le groupe est connu là-bas, mais sa vraie porte d'entrée en Amérique du Nord, ça a été le Québec, et c'est facilement un des endroits où ils sont connus le plus, où ils ont connu le plus de succès jusqu'à ce jour. D'ailleurs, la chanson School est inexistante des billboards américains, alors qu'ici, c'est un grand classique. Donc, c'est surprenant. Des fois, on se fait une idée d'un groupe et finalement, voyez-vous, ça a vraiment plus marché au Québec. Que voulez-vous, ils ne savent pas ce qui manque. Sinon, on a entendu Roy Buchanan qui fait pleurer sa guitare de Messiah Will Come Again, précédé de You Sexy Thing du groupe Hot Chocolate en 1975. Va suivre un bloc très années 70 amorcé par Pierre Flynn et son groupe Octobre en 1973, suivi d'une formation que vous connaissez tous avec une chanson qui, elle, est un peu plus obscure, mais pas moins intéressante pour autant. On écoute La Maudite Machine à Mélomane 99.1 CFNJ. M'a tendu la main pour une scène ou deux, c'est pas drôle dans la rue. Quand il faut dormir dans des fonds de ruelle, ça peut pas être pire, rien dans le fond de l'écuelle. Peux-tu t'en sortir? Si tous les poignets dans leur petite misère se disaient calvaire, il est temps d'arrêter, ça y est. Mieux. Un coup de pied dans le cul, ça peut réveiller. Quand personne ne sait plus pourquoi travailler, c'est donc toujours plat. J'écoute m'en aller quelque part. Je voudrais sacrer le camp. Plus ça va, plus ça devient mort. C'est plus beau avant. Je voudrais ça être bien chez moi. Ça commence le dos. Laisse-moi donc tranquille la soif. Broyer comme il faut. T'as perdu ta job, tu sais plus où te mettre. T'as pas l'air baissant, roi de taverne de fête. Comment va ta vie? Dépêche-toi, bonhomme, sors vite de ta crasse. Prouve donc que t'es un homme, puis trouve-toi une place. T'as plus tellement de temps. Mais y'a rien à faire, les patrons ne veulent plus. Au plus bien cher, t'es tout nu dans la rue, t'es un gars fini. La maudite machine qui t'a avalé, elle marche en colline. Faudrait la casser, faudrait la casser. J'ai le goût de m'en aller quelque part. J'voudrais ça quelqu'un. Plus ça va, plus ça devient mort. C'était plus beau avant. J'aimerais ça être bien chez moi. Ça qu'on mange le dos. Laisse-moi donc tranquille à soi. Broyer comme il faut. We'll be right back. to climb. There's a Spanish train that runs between Guadalquivir and Old Seville. And at dead of night the whistle blows and people hear she's running still. And then they hush their children back to sleep Lock the doors, upstairs they creep. For it is said that the souls of the dead fill that train 10,000 deep. Well, a railway man lay dying with his people by his side. His family were crying, knelt in prayer before he died. But above his bed, just awaiting for the dead, was the devil with a twinkle in his eye. Well, God's not around, and look what I've found. This one's mine! Just then the Lord himself appeared in a blinding flash of light and shouted at the devil, "Get thee hence to endless night!" But the devil just grinned and said, "I may have sinned, but there's no need to push me around. I got in first, so you can do your worst. He's going underground. But I think I'll give you one more chance," said the devil with a smile. "So throw away that stupid lance. It's really not your style. Joker is the name, Hoker is the game. We'll play right here on this bed, and then we'll bet for the biggest stakes yet. The souls of the dead." And I said, "Look out, Lord, he's gonna win. The sun is down and the night is riding in. That train is dead on time. Many souls are on the line. Oh Lord, he's gonna win." And the railway man, he cut the cards, and he dealt them each a hand of five. And for the Lord he was praying hard, for that train he had to drive. Well, the devil, he had three aces and a king, and the Lord, he was running for a straight. He had the queen and the knave and nine and ten of spades. All he needed was the eight. And then the Lord, he called for one more card, but he drew the diamond eight. And the devil said to the Son of God, "I believe you've got it straight. So deal me one. The time has come to see who'll be the king of this place." But as he spoke from beneath his cloak, he slipped another ace. 10,000 souls was the opening bid, soon went up to 59. But the Lord didn't see what the devil did, and he said, "That suits me fine. I'll raise you high to 105 and forever put an end to your sins." But the devil let out a mighty shout, Spanish train still runs between Guadalquivir and Old Seville. And at dead of night the whistle blows, and people fear she's running still. And far away in some recess, the Lord and the devil are now playing chess. The devil still cheats and wins more souls, and as for the Lord, well, he's just doing his best. Ticket yesterday in the humdrum, in the humdrum. I ride tandem with the random. Things don't run the way I plan them in the humdrum, in the humdrum. Hey Valentina, you want me to beg? You got me cooking, I'm a hard-boiled egg in the humdrum, in the humdrum. empty my mind, I find it hard to cope. Listen to my heart, don't need no stethoscope. CFNJ. Peter Gabriel sur les ondes de CFNJ 99.1. Vous êtes toujours à Méloman en compagnie de Mathieu Lajoie jusqu'à minuit. Tiré de son premier album solo de 77 après son départ du groupe Genesis, la chanson Humdrum, un peu moins connue, un petit bijou comme ça en passant, comme tout ce que Peter Gabriel va toucher ou presque, ça sonne un peu avant-gardiste. Une chanson enregistrée en 76 qui sonne presque années 80. Toujours à la fine pointe, ce cher Peter Gabriel. Juste avant, une chanson très théâtrale qui relate une partie de poker entre Dieu et Lucifer à bord d'un train qui transporte les âmes des défunts dans l'au-delà. Une pièce qui a été bannie en Afrique du Sud en 1975 parce que considérée blasphématrice. Il s'agit de qui? Black Sabbath? Non, seulement de l'Irlandais Chris de Burgh avec un de ses premiers succès, Spanish Train. Et tout ça était précédé de nul autre que Pink Floyd avec la pièce acoustique Fearless, tirée de leur album Metal de 1971. Et que voulez-vous, comme d'habitude, j'espère avoir le temps de tout vous faire jouer. Donc on retourne à la fin 60, début 70 avec un groupe qu'on va réentendre dans un spécial folk cet automne, Bread au 99.1 CFNJ. Yeah. can take me, yes, and you can leave me, but I always stay, and you knew I would. just a little bit harder, so I can love, love, love him until my. Le Velvet Underground en 1970 sur les ondes de CFNJ 99.1 avec Who Loves the Sun de l'album Loaded de la même année, dernier album du groupe avec Lou Reed. Sinon, c'était précédé de l'iconoclaste Janis Joplin que vous avez sans doute reconnu avec Try Just a Little Bit Harder de 1969 sur son premier album après avoir quitté son groupe Big Brother and the Holding Company. Et avec qui elle a fait ses débuts, l'album I Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama, certainement une chanson où on peut apprécier toute la puissance de la voix de Janis. Et juste avant, un petit détour plus américain sudiste avec The Allman Brothers Band et leur Midnight Rider de 71 qui a joué juste après la version de CCR de Cotton Fields, encore en 69. Cotton Fields, une chanson de la légende du blues et du folk américain Lead Belly, roi de la 12 cordes, un monsieur qui a composé plein de chansons qu'on a entendues en reprise, surtout comme par exemple Midnight Special de CCR, justement, Alberta d'Eric Clapton, Where Did You Sleep Last Night par Nirvana, qui sont toutes des chansons popularisées par Lead Belly qu'on connaît sans le savoir. Et c'est déjà tout pour cette semaine. Merci de m'avoir suivi dans ce spécial Jamaïque, entre autres, et dans tous les autres styles qu'on a explorés. Une émission de mélomane, c'est jamais la même chose. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à naviguer entre les différents genres musicaux. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à partir de 21h. Et je vous souhaite une excellente semaine d'ici là. Bonne nuit à vous.